Eh bien bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Fadjet 94.2 ou Fadjet.net et nous sommes dans le cadre d'une émission spéciale. En effet, aujourd'hui c'est l'ouverture du 26e Festival du film d'action sociale Rencontre documentaire 2024. Cette émission est préparée avec le groupe solidaire actif de l'association Arélia. Alors je vais déjà vous présenter nos invités. Tout d'abord, Benoît Malherbe, qui est responsable du festival. Bonjour Benoît. Bonjour à toutes et à tous. Nous avons ensuite Tristan et Brian, qui sont étudiants à la Fac de Lettres et qui vont organiser une projection décentralisée du festival. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Et nous avons Khadija, qui est membre du GSA et qui est juré du jury Regard Public. Bonjour Khadija. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors voilà, on commence notre émission. Le festival de films d'action sociale, donc je le disais, démarre aujourd'hui, cet après-midi. Et donc ce matin, nous faisons une émission et nous avons le plaisir d'accueillir donc Benoît Malherbe. Benoît, est-ce que vous pouvez nous dire et nous présenter surtout quel est votre rôle dans ce festival ? Oui, donc je suis le responsable du festival, mais derrière ce terme, en fait, il y a tout ce qui est programmation. Des films, hein, la sélection des films, les regarder, les choisir, construire la programmation de façon cohérente, et organiser un peu après les invitations, faire venir les réalisateurs, etc., etc. Plein de choses. Alors pour organiser un tel festival, qui existe maintenant depuis de très nombreuses années, je suppose que vous n'êtes évidemment, comme vous le disiez, pas tout seul, au sein de l'IRTS de Lorraine, et surtout peut-être aussi avec d'autres passionnés de films documentaires. Alors effectivement, je suis pas seul, mais on est quand même pas très nombreux, puisque dans l'équipe du festival de l'IRTS, on est deux. Agathe Antoine, qui est la coordinatrice, et moi-même, donc on se partage un peu les tâches que j'ai évoquées succinctement juste avant. Et on est heureusement soutenu par pas mal de collègues dans la programmation, etc. Et on a aussi la chance d'avoir des stagiaires comme Brian et Tristan qui sont là aujourd'hui et qui nous aident aussi à monter des projets avec nos partenaires. Et je crois que vous avez aussi un dernier partenaire aussi, hein, qu'il ne faut pas oublier. Exactement, donc il finance le prix du regard lycéen. Donc c'est dans le cadre du dispositif des cordées de la réussite. Donc c'est des lycéens première terminale qui s'orientent vers des métiers du sanitaire et social. Donc ils ont eux aussi un prix à rendre. Et en fait, le prix est financé par l'Académie d'Ancimès. Voilà. Super initiative. Et peut-être même de futurs étudiants. C'est un peu l'idée. C'est de déjà leur proposer une sélection qui leur montre les métiers vers lesquels ils peuvent s'orienter. Et effectivement, on espère bien développer ce partenariat. Pour l'instant, c'est avec des établissements de Nancy et alentour, jusqu'à Toul. Et pourquoi pas aller voir un petit peu plus loin pour des établissements de toute la région. Alors, pouvez-vous nous raconter succinctement l'histoire de ce festival et à qui s'adresse-t-il ? Alors, oui, on va faire ça rapidement. C'est la 26e édition qui démarre aujourd'hui. Il y a une époque, c'était tous les deux ans, en partenariat avec l'IRTS de Montrouge en région parisienne. Et en fait, l'histoire fait que les chemins se sont séparés. Et depuis, on va dire 3 ans maintenant, il a la forme qu'il a aujourd'hui. C'est-à-dire une programmation en salle dans les locaux de l'IRTS, certaines séances chez nos partenaires et une plateforme de diffusion en ligne. Qui permet à tout le monde de se connecter et d'avoir accès à la quasi-totalité des films sur toute la semaine. Et alors au départ, il est fait tout au début pour les étudiants de l'IRTS, hein, qui est un institut de formation en travail social. Et petit à petit, les équipes successives ont décidé de l'ouvrir un peu à tout le monde. Donc c'est un festival, si dans le contenu la programmation est faite pour correspondre aux maquettes de formation de nos étudiants, tout le monde est ouvert à tout le monde, c'est gratuit, ça on y tient beaucoup, que ce soit en salle ou sur la plateforme, et donc le grand public, les travailleurs sociaux, les professionnels de l'audiovisuel, tout le monde. C'est pour ça qu'on a appelé ce festival les rencontres documentaires, parce qu'autour du documentaire, on veut que les gens se rencontrent, qu'il y ait des échanges, des discussions, voilà. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, même sur les chaînes TV, on voit de plus en plus de documentaires, et des documentaires souvent très intéressants. Vous avez une plateforme dédiée où les réalisateurs vous envoient leurs films. Combien, par exemple, avez-vous reçu de films cette année ? Alors cette année, de mémoire, 259, si je ne me trompe pas. Ouais, un petit peu plus de 250. Et il faut choisir, ouais, effectivement, ça paraît beaucoup. Et on a quelques mois pour regarder tous ces films-là et puis essayer de garder ceux qui nous paraissent les plus intéressants, les plus marquants, les plus touchants. et de construire une programmation en accord avec les maquettes de formation pour nos étudiants, par rapport à certains sujets d'actualité. C'est tous ces éléments-là qui entrent en ligne de compte dans la réflexion, puis la construction de la programmation. Et donc, sur les 259, on en garde grosso modo une trentaine. D'accord. Est-ce que dans un festival comme ça, je suppose que il faut aussi un peu d'argent pour que ça puisse tourner. Quels sont vos partenaires financiers ? Alors effectivement, il en faut. Il y en a plusieurs qui sont fidèles depuis de longues années. Donc ça, c'est toujours ça facilite la vie d'un festival. Alors il y a l'IRTS qui paye un prix, c'est le prix des étudiants, du regard étudiant. Voilà, donc ça, comme c'est des étudiants de l'école et certains étudiants d'IRTS de France qui peuvent venir. Donc cette année, on a deux étudiantes de Reims. Donc là, c'est l'IRTS qui finance. On a l'association Arelia, au travers du groupe Solidaire Actif, qui finance le prix du public. On a également Harmonie Mutuelle, qui cette année finance le prix Regard Social. Et voilà, ce sont nos soutiens principaux. J'espère ne pas en oublier. Ce sont des partenaires qui sont assez connus sur la région et qui soutiennent effectivement le festival depuis de nombreuses années. Alors, on en est à la 26e édition cette année. Quel va être le programme et les temps forts du festival ? On va décrire ça en deux temps. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a dans les salles à l'IRTS à partir de cet après-midi, 14h, avec les cérémonies d'ouverture. Puis la projection du film Ma vie en papier en présence de la réalisatrice Vida Dena. Voilà, puisque la projection sera suivie d'un échange avec elle et le public. Puis après, chaque demi-journée jusqu'à jeudi, il y aura des séances organisées dans les salles de l'IRTS, donc avenue Raymond Pinchard à Nancy. Et chaque soir, une délocalisation chez des partenaires. Donc par exemple, le lundi soir, c'est avec le forum de l'IRTS de Lorraine, toujours à l'amphithéâtre, chez nous. Le mardi soir, ce sera à Vendeuvre, à la MJC Nomade, le film Le début de la fin, en présence de la réalisatrice qui sera là, pareil, pour un échange après la projection. Le mercredi, on a deux temps forts à l'extérieur. On en a un à Bar-le-Duc à 19h et un à 20h15 au Caméo Saint-Sébastien. Et le jeudi, le festival se terminera en salle avec la cérémonie de remise du palmarès à partir de 18h30. Et il y a la plateforme dans un second temps qui, elle, est ouverte du lundi jusqu'au dimanche soir. Donc, ce qui permet aux gens de rattraper des films qu'ils n'ont pas vus en salle jusqu'au dimanche, ou aux gens qui ne sont pas de Nancy, et qui sont d'ailleurs mais intéressés par le documentaire, de se connecter. Toute la semaine, c'est ouvert. On crée un petit compte, ça prend 2 minutes et on a accès à tous les films. Voilà. Et je laisserai Tristan et Brian présenter une dernière séance décentralisée pour laquelle ils ont géré l'organisation. Alors justement, une des spécificités du festival est d'accueillir des réalisateurs, non seulement de diffuser les documentaires, mais d'accueillir les réalisateurs. Cette année, il y aura combien de réalisateurs qui vont venir au festival ? Alors sur les 21 films qui vont être diffusés dans les salles, il y en aura 11. Et il y a des gens aussi, des fois, qui ont pu participer au tournage, qui seront là. En tout cas, il y a toujours quelqu'un qui vient participer au débat d'après-film. Donc, on a nos collègues, par exemple, qui nous soutiennent dans l'organisation, l'animation de ce temps d'échange. Et on a des psychologues, des travailleurs sociaux, des professionnels de l'audiovisuel, des boîtes de production qui viennent selon qui peut se rendre disponible pour témoigner, échanger, répondre aux questions des spectateurs. D'accord. Il y a aussi tout des directeurs d'établissements, mais aussi le grand public qui peut s'intéresser à ça. Ah, bien sûr. Qui vient aussi chaque année et visionner les films et échanger avec les réalisateurs. Durant ce festival, vous avez expliqué tout à l'heure qu'il y avait une plateforme pour pouvoir regarder de chez soi ou en ligne les films. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et comment ça s'organise et ça fonctionne, cette plateforme ? Alors le fonctionnement, il est simple. Il suffit de se connecter à l'adresse irtsdelorraine.kino.tv. Une fois connecté sur cette adresse, il suffit de créer un petit compte utilisateur. On vous demande juste une adresse mail, un mot de passe que vous choisissez, c'est réglé en 2 minutes et vous avez un accès à la quasi-totalité des films pendant toute la durée du festival, donc d'aujourd'hui jusqu'à dimanche, gratuitement. Voilà, on précise bien, c'est entièrement gratuit, comme tout le festival dans son ensemble, que ce soit dans les salles, chez nos partenaires. La seule séance qui n'est pas gratuite, c'est la séance Caméo, qui est au tarif Caméo. D'accord. C'est logique. En tout cas, c'est bien qu'une salle de cinéma comme ça puisse aussi collaborer avec le festival. C'est pas la première fois. C'est pas la première, pas la dernière, j'espère. Effectivement un partenariat auquel on tient beaucoup. Tout à fait. Eh ben, merci Benoît Malherbe de votre venue sur Fadjet. Bon festival à vous. Rendez-vous donc tout à l'heure à 14h. On y sera tous pour la cérémonie d'ouverture du 26e festival du film d'Axo Social. Rencontre documentaire. Vous avez peut-être quelque chose à rajouter en plus? Ben, remercier Fadjet de nous avoir accueillis. On espère vous voir nombreux et nombreux tout à l'heure et tout au long de la semaine. Donc n'hésitez pas, on sera ravis de vous accueillir. Voilà, et je confirme qu'ils seront ravis de nous accueillir et d'accueillir tout le monde. Allez, on se fait une petite pause musicale. On va écouter Miles Davis dans Toutou et on se retrouve juste après. Pour la deuxième partie de cette émission spéciale concernant le 26e festival du film d'Axo Social, rencontre documentaire de l'IRTS de Lorraine. Et nous accueillons maintenant Tristan et Brian, qui sont étudiants à la fac de lettres. Merci d'abord à vous d'être présents et d'être venus nous rejoindre ici à Fadjet pour cette émission. Je disais donc que vous êtes étudiants dans une filière intitulée « Études culturelles ». En quoi consiste-t-elle et combien d'années dure-t-elle et quelles peuvent en être les débouchés? Alors déjà, merci pour votre invitation. Ensuite, la licence études culturelles est une licence d'État donc qui se compose en 3 années. Cette licence mise sur l'apprentissage de la culture, notamment de la culture contemporaine, de ses outils et de ses pratiques, de ses enjeux sociologiques et anthropologiques, de son histoire et de son évolution dans le domaine de l'image, comme le cinéma, les arts visuels ou la télévision, de l'écrit, comme la littérature et le journalisme, du spectacle vivant et de la culture jeunesse. Cette licence vise à enseigner et à faire acquérir des compétences de réflexion, de critique, d'analyse, de traitement d'informations et de rédaction, tout autant qu'elle permet de s'enrichir culturellement et de concevoir et mettre en œuvre des actions culturelles. Les débouchés sont nombreux, autant dans le cinéma que dans l'édition par exemple, mais aussi dans la médiation culturelle, le journalisme ou la communication. C'est une formation pluridisciplinaire proposant alors des débouchés pluridisciplinaires. Cependant, il est fortement recommandé de faire un master pour avoir plus d'options et de compétences. En tout cas, c'est une chouette filière qui existe depuis une dizaine d'années, si mes souvenirs sont bons, peut-être même un peu moins, mais qui, tous les ans, permet à des étudiants de non seulement poursuivre leur passion, mais de se professionnaliser, d'aller doucement vers des métiers qui les intéressent. Alors, la question, comment avez-vous connu le festival de rencontres documentaires de l'IRTS? Alors, pour être vraiment honnête avec vous, on n'avait pas réellement connaissance du festival avant de devoir chercher un stage pour notre troisième année de licence. C'est notre tuteur qui nous a envoyé un peu vers l'IRTS suite au festival. Nous, on s'est intéressé de notre côté. Ça nous a semblé être une super opportunité pour découvrir aussi le monde de l'événement culturel, le monde de la médiation, voir les acteurs, des réalisateurs de ce genre d'événement, et pourquoi pas se faire un peu une liste de contacts. Donc on a bien compris que vous ne connaissez pas le festival, vous devrez distribuer 10 000 tracts d'ici cet après-midi, 14h. Sinon, c'est votre première expérience de participation active à un festival de genre ? Oui, absolument, c'est l'occasion pour nous de découvrir l'envers du décor de ce genre de festival, et malheureusement aussi les déconvenues qui incombent à ce genre d'événement. C'est ce qui nous est arrivé sur deux projets de projection, mais on a su se retourner. C'est là qu'on se rend compte que c'est un sacré boulot avec aussi parfois beaucoup d'aléas. Exactement. Quel est votre projet durant cette semaine de festival et qu'est-ce que cela vous apporte en tant qu'étudiant ? Du coup, on est là pour assister, pour mettre en place les choses avec les organisateurs, les événements, les séances. Ça va nous permettre de prendre de l'expérience. C'est ce qui va nous apporter beaucoup de choses. On est très enthousiaste de participer à cet événement et ça va beaucoup nous apporter dans notre parcours d'études, mais aussi pour plus tard dans notre master et professionnellement, peut-être si on se dirige vers la création d'événements, l'événementiel ou même le cinéma. Alors, je sais que vous faites aussi vous avez organisé une projection durant ce festival. Vous pouvez nous en dire plus ? Quelle est cette projection ? Où, quand, etc. ? Bien sûr, alors la projection a eu lieu à la Fac de Lettres de Nancy. C'est le 11 avril de 10h à midi. C'était dans le cadre d'un de nos cours de troisième année de licence, Queer et Gender Studies. C'est donc ça a donc été pour notre promotion particulièrement intéressant, parce qu'on a pu développer plusieurs aspects avec notre professeur. On a donc présenté le film Les Petits Mâles, réalisé par Laurent Métairy et sous les conseils de Camille Froidevaux-Métairy. Et pourquoi avez-vous choisi ce film en particulier ? Parce que c'est un film très intéressant dans son approche des questions de société sur le genre et la sexualité. C'est un film documentaire éducatif et contre le sexisme, donnant la parole aux hommes de demain, des jeunes garçons âgés de 8 à 18 ans répondant à diverses questions sur les clichés sexistes et le féminisme. Le film cherche la prise de conscience et de réflexion chez les jeunes. Il évoque le sexisme, les clichés et les stéréotypes de genre, l'égalité des sexes, l'apparence physique, les violences, les différences de traitement entre les hommes et les femmes, le harcèlement et les LGBTQIA+. Ces échanges sont entrecoupés par des interviews de femmes beaucoup plus âgées qui parleront des mêmes thématiques, de leur expérience et des hommes d'hier. Ces échanges continus sont très captivants tout autant que les diverses réponses apportées par les individus interviewés qui rentrent en corrélation avec notre parcours de gender et queer studies. C'est un film qui porte des thématiques importantes à notre époque et dont il faut donner une visibilité. Nous sommes aussi heureux de pouvoir organiser un débat après le film avec donc les étudiants et notre professeur Bernard Janot. Alors c'est un très bon choix puisqu'il fait partie aussi de la sélection officielle du jury Regard Public. Et durant cette semaine-là de festival, vous y participez aussi, je suppose ? Oui, bien sûr, on est là pour assister, faire de la technique, aider à l'accueil du personnel, que ce soit les réalisateurs ou les spectateurs. Donc voilà. Belle expérience, hein ? Absolument. Et parmi vous deux, il y en a déjà qui auraient des envies d'aller dans le monde du cinéma ou du cinéma documentaire ? Oui, pourquoi pas. Ah. Eh bien, merci Tristan et merci Brian pour votre venue à Fadjet pour cette émission-là. On vous souhaite à vous aussi un bon festival. Et puis, on va se croiser tout au long de cette semaine. Donc, je dirai à votre maître de stage si vous avez bien travaillé. Allez, merci. On passe une pause musicale. On écoute Marcus Miller et on se retrouve tout de suite après. Cette chanson de Marcus Miller, nous retrouvons notre troisième invité. Bonjour Adija. Bonjour Lionel. Alors vous, je crois que c'est votre deuxième participation au Festival du film d'action sociale Rencontre Documentaire avec le groupe Solidaire Actif d'Arélia. Comment avez-vous découvert ce festival ? Oui Lionel, c'est la deuxième fois que je participe. En tant que membre du groupe Solidaire Actif JSA d'Arélia, notre participation au Festival du film d'action sociale Rencontre Documentaire avec l'IRTS a été une opportunité qui s'est présentée grâce à notre collaboration avec l'IRTS de Lorraine. Cette collaboration a été établie depuis 2018 lors d'une rencontre entre l'IRTS de Lorraine et le directeur général d'Arélia. Depuis lors, nous avons été impliqués dans des différentes initiatives sociales et culturelles, dont le Festival du film d'action sociale. C'est ainsi que nous avons eu une connaissance de cet événement et avons ainsi l'occasion de participer en tant que membre actif du GSA. Vous travaillez depuis quand sur la préparation du festival et en quoi consiste votre rôle de juré ? On travaille sur cette édition du festival depuis que notre groupe, le groupe Solidaire Actif JSA, a été invité à participer en tant que jury pour le prix de la solidarité. Notre implication dans le festival remonte à plusieurs mois depuis que nous avons été informés de notre rôle de jury et de nos responsabilités dans le processus de sélection et de récompense de films. En tant que membre de jury d'un festival, notre rôle consiste principalement à visionner les films en compétition et à évaluer leur mérite selon des critères prédéfinis tels que la qualité cinématographique, la patience sociale, l'originalité du sujet, etc. Nous devons ensuite délibérer en groupe pour sélectionner dans les différentes catégories, en prenant en compte les opinions et les arguments de chacun des membres du jury. Vous avez donc fini par établir une sélection officielle. Cette sélection officielle comporte combien de films ? 12 films. Et donc ces 12 films, vous les visionnez entre vous, vous en débattez et vous allez, dans la semaine, dire quel est le film qui vous a le plus plu et qui donc remportera le prix de la solidarité 2024. Alors hormis les membres du GSA, vous avez ouvert aussi votre jury à d'autres partenaires associatifs où vous avez organisé aussi des projections privées entre jurés de films de la sélection. Quels ont été vos partenaires cette année ? Alors cette année, il y avait d'autres jurys partenaires associatifs comme MJC Nomad et aussi on a fait des projections du film avec l'association Réponse et aussi avec la résidence des personnes âgées. D'accord. C'est cette semaine qu'on a fait. Voilà. Vous allez organiser aussi demain une projection décentralisée du festival. Vous pouvez nous expliquer tout ça ? Oui, demain, on aura une projection avec MJC Nomad et c'est à partir de 19h et le film se durera vers 19h45. Et la projection du dernier mardi, le 16-4, et le film sera le début de la fin. Donc, à la MJC Nomad, tout le monde connaît cet avant-d'œuvre. Adija, je voulais vous demander, au final, de participer en tant que juré à ce festival du film socio-éducatif. Est-ce que c'est une belle expérience à titre personnel et pour le groupe ? Oui, c'est une belle expérience pour moi et pour les autres membres. Tout à fait, participer en tant que jury au Festival des films d'action sociale, c'est une expérience enrichissante à bien des égards aussi. Eh bien, écoutez, merci Khadija Hamdouche de votre venue sur Fadjet. On rappelle les informations. Donc demain, à partir de 19h, projection du film MJC Nomad, à la MJC Nomad, du film qui s'appelle Le début de la fin. Le début de la fin. Fin, comme la fin, F-A-I-M, puisqu'il s'agit d'un documentaire qui parle d'une expérimentation de épicerie solidaire associative. Voilà, on n'en dit pas plus. Tout le monde à la MJC Nomade demain soir 19h et vous verrez que c'est très intéressant. Et il y aura bien sûr la réalisatrice du film qui sera présente. Merci beaucoup Khadija, bonne projection et bon festival. Merci à Lionel. Voilà, et bien on arrive maintenant au terme de cette émission spéciale concernant le 26e festival du film d'action sociale Rencontre documentaire. Mais avant, je voulais quand même réinterpeller Benoît. Benoît, dites-moi, cela doit faire plaisir quand même de voir le développement du festival chaque année et qui suscite aussi l'intérêt de nombreux partenaires associatifs, des étudiants. C'est vraiment intéressant comme démarche. C'est très intéressant. On est effectivement ravis quand on voit des partenariats se mettre en place, se développer, se pérenniser à chaque édition. Donc on est toujours un peu à la recherche de possibilités. Voilà, c'est un développement permanent. Oui, et puis cinq diffusions, projections décentralisées du festival dans la semaine. Ça aussi, il faut que ça continue. C'est vraiment très bien comme ça. C'est le but. On est à la fois sur la fidélisation avec les partenaires actuels et la recherche de nouveaux ou de développement. Je parlais tout à l'heure des cordées de la réussite. Donc si par exemple, l'année dernière, il y avait deux établissements, cette année, il y en a un troisième. Si dans les années à venir, on peut élargir la participation à des établissements scolaires au-delà du département, au niveau régional, bah, par exemple, c'est une idée de développement qu'on a en ce moment en tête et on va essayer de mettre tout en place pour que ça fonctionne. Voilà. Et aller vers un festival Grand Est ? Pourquoi pas ? Ben oui, il faut être ambitieux. Effectivement, on a aussi des étudiantes de Reims qui viennent, comme je le disais. Donc pourquoi pas d'autres établissements si on arrive à mettre ça en place avec les établissements concernés pour que le jury étudiant soit effectivement un jury Grand Est, d'accord, par exemple. Ok. Eh bien, en tout cas, merci Benoît, merci à tout le monde d'avoir participé à l'émission. On vous souhaite à tous et toutes un excellent festival. On se retrouve tout à l'heure à 14h pour l'inauguration. Bonne semaine à tous et à très bientôt sur Fadjet. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.